الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 63 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen qui s'intitule Sharh Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est le Sharh de l'Aqidah de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a du Cheikh ibn Uthaymeen, écrit par le Cheikh ibn Uthaymeen lui-même. Donc le point où on est arrivé maintenant, donc on va le traduire, on va le lire premièrement, puis après on va traduire, inshallah. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit: wa na'lamu 'ilma al-yaqin anna ma ja'a fi kitabillahi wa fi kitabillahi ta'ala aw sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa haqq la yunaqidu ba'dahu ba'dan لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. C'est-à-dire que le cheikh il explique que nous savons avec certitude et avec conviction que ce qui est rapporté, ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité qui ne se contredit pas, hein, l'un l'autre, c'est-à-dire il n'y a pas une partie qui contredit l'autre. Donc, ni le Coran contredit le Coran, ni la Sunna contredit la Sunna, ni le Coran contredit la Sunna, ni la Sunna contredit le Coran. Donc, tout, il n'y a pas de contradiction d'une partie par rapport à l'autre. Et il mentionne le verset dans Surat An-Nisa, le verset 82, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils pas médité sur le Coran? Et s'ils venaient d'autres que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc c'est ça le point ici que le cheikh va expliquer. Et dans la traduction de Dar es-Salam, ils l'ont traduit de la façon suivante: et nous savons de science certaine que ce qui se trouve dans le livre d'Allah, le Très-Haut, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et qu'aucune contradiction ne s'y est glissée, conformément aux paroles du Très-Haut. Et il a mentionné le verset. Donc, maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit: قَوْلُهُ عِلْمُ الْيَقِينِ وَهَذَا أَعْلَى دَرَجَاتِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ هُنَا ثَلَاثَ حَقَائِقَ: عِلْمُ الْيَقِينِ وَعَيْنُ الْيَقِينِ وَحَقُّ الْيَقِينِ وَكُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. والفرق بينهم أن علم اليقين خبر، وعين اليقين مشاهدة، وحق اليقين ذوق. ومثال ذلك قال رجل لآخر: إن معي تفاحة حمراء. والرجل صدوق، فهذا علم اليقين. ثم أخرجها من جيبه وقال: انظر هذه، فهذا عين اليقين. ثم أخذها الناظر وأكلها، فهذا حق اليقين. فنحن نعلم علم اليقين أننا لأننا نتكلم عن خبر، فإن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك في هذا، ولا يلحقنا أدنى شك حتى لو كانت عقولنا لم تبلغه فإننا نؤمن به. Donc le cheikh il explique ici que il a mentionné, il dit: nous savons d'une science certaine, ilm al-yaqin. Et le cheikh il explique que c'est un des plus hauts degrés de science, la science avec, il y en a certaine, la science de avec certitude. Et il mentionne que les ulama ont dit que on peut diviser les réalités en trois catégories: ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, haqq al-yaqin. علم اليقين c'est la science certaine. عين اليقين يعني comment on peut le traduire؟ عين اليقين c'est-à-dire On va regarder dans Surat al-Takathur comment les traducteurs ont traduit ces principes-là ou bien ces termes-là. L'œil de la certitude, effectivement. Donc, Aynul Yaqin, donc la certitude, l'œil de la certitude. Puis, Haqqul Yaqin, dans Surat al-Waqi'a, le verset 95. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Donc, la vérité de la certitude, peut-être. Non, c'est la pleine certitude. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, la pleine certitude. La vérité certaine. Hein? D'accord. Donc, ilmul yaqin, la science certaine. Et aynul yaqin, l'œil. Et haqqul yaqin, la vérité. Ou bien la réalité certaine, la vérité certaine. Yani, tout ça c'est pour rapprocher le sens, hein, dans la langue française. Ok, donc il y a ces trois degrés là. Et il a mentionné les trois versets, les deux premiers versets dans Surat al-Takathur, le verset 5 et le verset 7, dans lesquels ces paroles là sont mentionnées. Et puis le verset 95 dans Surat al-Waqi'a, les trois formes de certitude, la science, l'œil et la vérité. Aynul yaqin, ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Il explique maintenant la différence entre chacune de ces différentes formes de yaqin. Il dit que aynul yaqin, c'est par rapport à l'information. Et que aynul yaqin, c'est par rapport au fait de voir, d'être témoin de la chose, de la voir avec les yeux. Puis haqqul yaqin, c'est lorsque tu goûtes à cette chose-là, que tu la vérifies avec tes sens en même temps. Et il donne l'exemple de ça par rapport à un exemple qu'il donne comme un homme qui parle avec un autre et qui lui dit « J'ai une pomme rouge ». Il dit « Tu sais que cette personne, elle est véridique ». Donc ça, c'est « ilm al-yaqin ». C'est la connaissance certaine. La connaissance certaine parce que la personne, tu sais qu'elle est véridique, elle te dit qu'elle a une pomme qui est rouge. Donc ça, c'est une information qu'il t'a donnée. Puis après, il prend la pomme de son sac et il la sort. Donc là, tu la vois avec tes yeux. Donc ça devient « ilm al-yaqin ». Parce que non seulement maintenant tu as l'information, mais maintenant tu es témoin de ça, tu le vois avec tes yeux. Donc c'est ici maintenant « aynul yaqin ». Puis après toi, la personne, elle la prend la pomme, puis elle la mange. Là ça devient « haqqul yaqin », la pleine vérité ou bien la vérité de certaine. Il n'y a plus de doute possible. Donc il dit, le cheikh, que nous savons avec une science certaine que ce que qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas de contradiction entre les différentes révélations que Allah nous a révélées. Et on le sait parce que c'est une information qui nous a été transmise, et tout ce qui vient dans le livre d'Allah et la Sunna du messager, ça ne peut être que la vérité. Et il ne peut y avoir à son sujet aucun doute, et on ne peut avoir le moindre doute par rapport à ce qui nous a été transmis de la révélation d'Allah. Même si notre raison ou notre compréhension ou notre intelligence n'est pas capable de le comprendre ou de l'atteindre, mais nous y croyons quand même. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça vient d'Allah et que c'est la vérité. Ensuite, le cheikh, il dit, وقوله علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه لأن العلم علمان نظري يحتمل التشكيك وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق بلا شك. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. Le cheikh, il dit ici que quand il dit ilm al-yaqin, hein, la science certaine ou la connaissance certaine, il dit, c'est pour faire comprendre que la science, elle se divise en deux catégories. Une science qui est abstraite ou théorique, qui peut impliquer ou qui peut, disons, sur lequel il peut y avoir un doute, et une science certaine qui ne peut pas accepter aucun doute ou sur lequel il ne peut y avoir aucun doute. Et donc il dit que quand on parle ici de ilm al-yaqin, on parle de la science sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, et c'est-à-dire ce qui est venu dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la vérité sans aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 170 dans sourate An-Nisa, ô vous les hommes, un messager vous est venu en toute vérité de la part de votre Seigneur. Donc il faut croire en ça avec certitude. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit: وَمِنْ أُصُولِ الدِّينِ أَنْ نَشْهَدَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ حَقٌّ وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Donc parmi les fondements de la religion, il faut savoir, ou bien il faut que nous témoignions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une vérité, hein, c'est la vérité, et l'heure du jugement dernier est véridique, c'est une vérité, de même que tout ce que le messager a amené, c'est la vérité, hein. Et il explique que c'est une vérité sur laquelle il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire une partie ne contredit pas l'autre, c'est-à-dire c'est une vérité qui est en harmonie parfaite. Il n'y a pas de contradiction dans une partie ou dans l'autre. Et le cheikh, il explique maintenant la signification de la contradiction. Qu'est-ce que c'est la contradiction? Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, par exemple, ils ont des croyances dans lesquelles il y a des contradictions. Les koufars, par exemple, les mouchriquins et les gens de bid'a, souvent, ils se contredisent dans leur croyances et dans leur religion. Et donc, il va expliquer maintenant vraiment, de façon vraiment approfondie, qu'est-ce que c'est une contradiction, avec des exemples. Donc, il dit: قوله لا يناقض بعضه بعضا المناقضة هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا هو الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل. وهذه هي النسب أو النسب الأربع. فالتناقض هي النسبة بين الشيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، والتباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما، والتماثل النسبة بين الشيئين متساويين. Donc il dit que la contradiction, c'est-à-dire quand une partie contredit l'autre, et il donne une définition de ça, c'est lorsque le lien ou le rapport entre deux choses ne peut pas les réunir et on ne peut pas les enlever non plus. Peut-être que ça fait un peu abstrait, hein, mais quand on va l'expliquer avec les exemples, ça va être plus clair. En fait, ça veut dire quoi quand quelque chose se contredit? C'est-à-dire c'est deux choses que tu peux pas réunir ensemble et qui peut pas exister en même temps, en même temps que l'une ne peut pas exister en même temps que l'autre. Donc tu peux pas les réunir en même temps, puis tu peux pas retirer l'une ou l'autre. Si tu les gardes ensemble, il y a une contradiction. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tanaqud. Et il mentionne des exemples d'autres cas, hein, comme at-tabayun, c'est quand deux choses sont différentes, hein, quand deux choses qui sont différentes et séparées. Quand tu dis at-tadad, c'est deux choses qui s'opposent l'une l'autre. Et at-tamathul, c'est quand deux choses qui sont semblables ou qui sont égales. Bon, Et là, il va donner des exemples de chaque possibilité de contradiction. Donc il dit فمثلا الحركة والسكون النسبة بينهما التناقض لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ومعنى لا يجتمعان لا يكون الشيء ساكنا متحركا أبدا في آن واحد ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إما متحركا أو ساكنا. Donc l'exemple ici, ça va vous aider à vraiment bien comprendre. Il dit, par exemple, le mouvement est, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-haraka, c'est le mouvement, et al-sukun, c'est-à-dire le fait d'être immobile. Hein? Donc, il dit, la relation qu'il y a entre ces deux choses-là, c'est la contradiction. Parce que une chose ne peut pas être dans ces deux états-là en même temps. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être en même temps en train d'être en mouvement ou de bouger et être immobile en même temps. C'est soit un ou l'autre. Et donc, il dit, le cheikh, il dit, لا يجتمعان ولا يرتفعان. Qu'est-ce que ça veut dire, لا يجتمعان? Ça veut dire que les deux choses ne peuvent pas être réunies en même temps dans une même chose. Quelque chose peut pas être en train de bouger et être immobile en même temps, c'est pas possible. Et là, il y a le tafi'an, c'est-à-dire on peut pas les éliminer les deux ou les nier les deux. Pourquoi? Parce que une chose ne peut pas être que soit un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est pas possible que quelque chose soit ni immobile ni en mouvement. Il faut qu'elle soit un ou l'autre. Donc tu peux pas les nier les deux. C'est ça que ça veut dire. Donc tu peux pas les affirmer les deux en même temps dans une même chose et tu peux pas les nier. Tu peux pas nier les deux. Il faut que tu en affirmes un ou l'autre. T'as pas le choix. Sinon tu es en contradiction. Hein? Donc il donne un autre exemple. Fal wujud wal adam. An-nisbatu baynahuma at-tanaqud. لأن الشيء إما موجود وإما معدوم فهما لا يجتمعان أي لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما. Donc il dit l'exemple aussi c'est dans l'existence et la non-existence ou le fait d'être d'exister et le fait de ne pas exister. En arabe on dit al-wujud, c'est l'existence, et al-adam, c'est-à-dire le fait de ne pas exister, hein? C'est l'absence en fait. Donc si par exemple le cheikh donne l'exemple d'une contradiction, c'est que par exemple une chose ne peut pas être en même temps existante et non existante. Hein? C'est comme tu peux pas être présent et absent en même temps. Faut que tu sois un ou l'autre. Et tu peux pas les nier tous les deux. C'est-à-dire, il faut que tu sois soit un ou l'autre. Tu peux pas être les deux. Tu peux pas être ni un ni l'autre. Hein? C'est-à-dire, il faut que tu existes ou que tu existes pas. Hein? Donc, tu peux pas nier les deux, ne pas exister et ne pas exister en même temps, c'est pas possible. Sinon, il y a une contradiction. Un autre exemple, as-sawad ou al-bayad. An-nisbatu baynahuma at-tadad. Donc, il dit là, maintenant, il donne des exemples de quelque chose d'autre. C'est pas la contradiction maintenant, c'est at-tadad. Quand une chose est contraire de l'autre. Quand deux choses se contredisent, c'est une chose, et quand deux choses s'opposent, ça c'est une autre chose, hein? Et là on va voir la différence entre at-tanaqud wa at-tadad. Il dit an-nisbatu baynahuma at-tadad, yani as-sawad wal-bayad, an-nisbatu baynahuma at-tadad, li'annahuma la yajtami'an. Fala yumkinu an yakuna ash-shay' aswad abyad fi an wahid wa yartafi'an, yani fa yakuna ash-shay' ahmar mathalan. Idhan فَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا التَّضَادِ. Donc, il dit, la noirceur et le blanc. Le fait d'être noir ou blanc. C'est deux choses qui s'opposent. Dans le sens que c'est pas possible qu'une chose soit noire et blanc en même temps. C'est soit qu'elle est noire ou soit qu'elle est blanche. Mais c'est possible qu'elle soit ni noire ni blanc. Comme si par exemple elle peut être rouge. Donc yartafi'an. Hein? La yajtami'an, ils peuvent pas être les deux en même temps, noir et blanc. Il faut qu'il soit noir ou blanc. Hein? Une chose peut être noire ou blanc, mais pas les deux en même temps. Et puis, par contre, on peut retirer les deux attributs ou les deux caractéristiques en même temps sans qu'il y ait un problème. C'est-à-dire que si tu dis la chose est ni noire ni blanche, c'est possible parce qu'elle peut être une autre couleur, rouge, bleu, jaune, vert ou autre. Un autre exemple que le cheikh il a mentionné par rapport à at-tabayun, hein, quand deux choses sont différentes ou séparées, il dit al-hajaru wal-insan, an-nisbatu baynahuma at-tabayun, hein, la différence, la séparation. Wa huma mutabayyinan baynunatan kamilatan la yumkinu an yajtami'an fayakunu al-insan hajaran wal-hajaru insanan. وذاتهما تباين أحد إحداهما الأخرى والبشر والإنسان بالنسبة النسبة بينهما التماثل. Donc le cheikh il donne l'exemple, il dit que la pierre et l'homme, l'être humain, il dit on voit qu'il y a une complète différence entre une pierre et un être humain. Hein, c'est complètement différent. Et on ne peut pas les réunir les deux pour qu'un homme soit une pierre ou qu'une pierre soit un homme. Ce n'est pas possible. Et il dit, et l'homme et l'être humain, l'homme, hein, al-bashar ou al-insan. Al-bashar, c'est l'homme, et al-insan, c'est l'être humain. Donc les deux, c'est pareil. C'est deux choses qui sont pareilles, donc c'est at-tamathul. At-tamathul. Donc il a donné les exemples pour les quatre situation ou les quatre relations qui peuvent exister entre deux choses pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle quand on parle de la contradiction. C'est comme quand on dit que c'est comme si on dit par exemple la croyance des musulmans et la croyance des chrétiens. La croyance des musulmans et la croyance des chrétiens par rapport à Jésus. Eh bien, c'est deux croyances qui sont en contradiction. Parce que pour les musulmans, Jésus c'est un être humain, c'est un prophète, hein, il n'est pas Dieu, il n'a aucune part de divinité. Hein. Tandis que pour les chrétiens, Jésus, il croit que c'est Dieu, ou que c'est le Fils de Dieu, ou que c'est une part de la divinité. Donc, ces deux croyances-là ne peuvent pas s'unir, ces deux croyances contradictoires. Les chrétiens disent Jésus, il est mort puis il est ressuscité. Et les musulmans disent ou ils croient que Jésus, il n'a jamais été tué, il n'est jamais mort, il n'a jamais été crucifié. Donc c'est soit un ou l'autre. Hein. Soit qu'il est mort et qu'il a été crucifié, ou soit qu'il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Mais les deux, en même temps, c'est pas possible. Donc ces deux croyances-là sont en contradiction l'une avec l'autre. Donc, soit que tu acceptes l'une ou l'autre, tu ne peux pas accepter les deux. Hein? Il faut que tu acceptes une ou l'autre. Sinon, c'est une contradiction. Donc, ça, c'est des exemples. Et donc, dans notre religion, il ne peut pas y avoir à l'intérieur d'elle-même de contradiction. Dans une seule et même religion, dans la religion de l'islam, la religion de tous les prophètes que Allah a envoyés depuis Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas y avoir des contradictions dans les messages, le message que tous ces messagers-là ont amené, c'est-à-dire la foi en l'unicité d'Allah et le tawhid. C'est pour ça qu'on dit que la religion chrétienne, elle est en contradiction avec la religion des prophètes. Hein? Parce que tous les prophètes ont enseigné l'unicité d'Allah et qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui seul qui doit être adoré. Puis, parmi ces prophètes-là, ils viennent puis ils disent non, il y en a un parmi eux, il a dit que lui-même il était Dieu. Que nous devions l'adorer lui et que Dieu était rentré en lui ou qu'il est devenu un avec Dieu ou des choses de ce genre. Ça, c'est une contradiction. Comment ça, tous les prophètes ont enseigné la même chose, puis que parmi eux, il y en a un qui aurait enseigné une autre chose qui vient en contradiction avec tout ce que les autres ont enseigné. C'est pas possible. Hein? Ça, c'est un exemple qui nous montre que la religion chrétienne, c'est une falsification, une déformation de l'enseignement des prophètes d'Allah et une contradiction avec le message de pur tawhid, monothéisme pur qui a été enseigné par tous les messagers et les prophètes d'Allah. Naam. Donc pour continuer, par rapport aux explications que le cheikh Ibn Uthaymeen a mentionnées, il dit « وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَنَحْنُ فِي قَوْلِنَا حَقٌ لَا يُنَاقِدُ بَعْضُهُ بَعْضًا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِطْلَاقًا أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ يَدُلَّانِ عَلَى شَيْئَيْنِ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا التَّنَاقُدُ والدليل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار يعني لماذا لا يتدبرون القرآن لو تدبروا القرآن لما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقضا وهم يقولون إنما يعلمه بشر ولو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن فليتدبر القرآن هل فيه تناقض يقول عز وجل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي ليس اختلافا سهلا لأنه لا بد أن يتناقض أو يختلف فإن Donc on va traduire cette partie-là en premier. Le cheikh dit de toute façon, c'est pour expliquer quand on dit, que par exemple c'est une vérité, ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, c'est une vérité et ça ne se contredit pas. Il n'y a pas une partie qui contredit l'autre. Et il dit qu'on veut dire par cela qu'il ne peut pas y avoir, il n'y en a aucune forme de contradiction. Il ne peut pas y avoir aucune contradiction dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait dans le Coran ou dans la Sunna deux choses que l'une contredit l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et la preuve de ça, c'est dans le verset que le cheikh a cité dans Sourate An-Nisa, et c'est le verset 82. N'ont-ils pas réfléchi sur le Coran? Et s'il venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. Et il dit la question ici, c'est comme réprimande, un blâme, pour dire pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Parce que s'ils auraient réfléchi et médité sur le Coran, eh bien ils auraient constaté que il n'y en a pas de contradiction, il n'y a pas de divergence dans le Coran et dans la Sunna et dans ce que le messager a transmis. Alors que eux, ils disent innama yu'allimuhu bashar. Comme Allah il le mentionne dans le verset 103 dans sourate An-Nahl, ils disent ce n'est que quelqu'un qui lui enseigne, c'est un être humain qui lui apprend le Coran. C'est ça qu'il disait. Il prétendait que le Coran, quelqu'un lui enseignait, quelqu'un l'enseignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ça ou il a étudié ça de quelqu'un. Et donc ça c'est mentionné dans les paroles des mushrikines dans le Coran. Ils prétendaient ça. Alors, si c'était le cas vraiment, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il enseignait, ou qu'est-ce qu'il transmettait, c'était quelqu'un qui lui avait enseigné, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui lui avait enseigné ça, et que ça venait pas d'Allah, ça venait d'un être humain, alors dans ce cas-là, ils auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Parce qu'on sait que ce qui vient des êtres humains, c'est normal que, il y aura des contradictions et des divergences, Donc, le fait que, ils constatent que dans cette révélation-là, il n'y en a pas de divergence, il n'y a pas de contradictions et de choses qui se contredisent les unes les autres, c'est une preuve qu'il ne peut venir que de personne d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite فإن قال قائل نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض فما موقفنا نحو هذا وسيأتي بيان ذلك. Donc le cheikh il dit, on trouve que dans, si quelqu'un nous demandait ou quelqu'un nous disait que on trouve dans le Coran des choses qui en apparence s'opposent ou se contredisent les unes les autres, des choses qui se contredisent l'une l'autre, quelle serait notre position par rapport à ça? Et le cheikh il dit, ça, cette explication là va venir, hein, la page suivante, c'est ce que le cheikh il répond à cette parole là justement dans ce qui suit, dans la page suivante. Donc le cheikh il dit ensuite la suite de qu'est-ce qu'il mentionne après avoir dit ça dans le texte. Il dit لأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله ورسوله. Il dit parce que la contradiction dans les informations implique, hein, que une partie démente l'autre, hein, ou bien qu'une partie contredise l'autre ou démente l'autre, et ça c'est impossible par rapport à l'information qui vient d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il clarifie ça en disant يعني لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لزم من ذلك أن يكون أحدهما كاذبا وهذا ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل هذا محال في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit ça c'est impossible. Il dit si par exemple Allah il informe de quelque chose, puis après il nous informe de quelque chose qui contredit ce qu'il nous a dit en premier, eh bien ça impliquerait que une des deux soit mensongère, hein, ou incorrecte ou fausse, et la parole d'Allah ainsi que la parole de son messager est purifiée, hein, de ce genre de prétention et de ce genre de mensonge. Et donc ça c'est ce qui prouve que ce genre de contradiction est impossible dans ce qui vient d'Allah et de ce qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam comme information. Ensuite, il répond maintenant, il clarifie ce qui répond à la question de ce qu'on avait mentionné tout à l'heure, qu'il y a parfois où on peut constater par exemple des choses qui en apparence peuvent s'opposer ou se contredire. Donc comment on répond à ça? Et le cheikh il dit ومن ادعى ان في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتوب الى الله تعالى ولينزع عن غيره عن غيه. Donc le cheikh il dit quiconque prétend que dans le livre d'Allah ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que entre les deux, le Coran et la sunna, il y aurait des contradictions, eh bien ça c'est uniquement à cause de son mauvaise intention et à cause de la déviation de son cœur. Alors il doit se repentir à Allah de cela et se retirer de cette déviation. Et maintenant on va lire les explications de ce que le cheikh vient de mentionner maintenant. Il dit قوله ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا الفرق بين قولنا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقولنا أو بينهما ظاهر فقوله في كتاب الله يعني بعضه بعض مع بعض وفي قوله وقوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعضها مع بعض وقوله بينهما يعني بين الكتاب والسنة. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici, que quand il dit quiconque prétend que dans le livre d'Allah il y a des contradictions, c'est-à-dire une partie du Coran contredirait l'autre partie, ou bien dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'une partie de la sunna contredirait une autre partie de la sunna, ou entre les deux, c'est-à-dire entre le Coran et la sunna, qu'il y aurait des contradictions entre le Coran et la sunna, alors le cheikh il mentionne que ça c'est la signification de pourquoi il a séparé wa baynahuma, pour dire, c'est-à-dire s'il y aurait des contradictions entre le Coran et la sunna l'un par rapport à l'autre. Ensuite il dit, pour expliquer la suite, فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصْدِهِ وَزَيْرِ قَلْبِهِ فَلْيَتُوبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلْيَنْزِعْ عَنْ غَيِّهِ فَأَيُّ إِنْسَانٍ يَقُولُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُتَنَاقِضٌ فَإِنَّهُ سَيِّئُ الْقَصْدِ وَزَائِرُ الْقَلْبِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَأَيُّ إِنْسَانٍ يَقُولُ فِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيهَا تَنَاقُضًا فَهُوَ سَيِّئُ الْقَصْدِ زَائِرُ الْقَلْبِ لِأَنَّ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سيء القصد وزائر القلب. Donc le cheikh il dit, cette personne qui dirait qu'il y a des contradictions dans le Coran, dans la Sunna ou entre les deux, eh bien c'est uniquement à cause de sa mauvaise intention et de la déviation de son cœur. Et son obligation, c'est de se repentir à Allah et de se retirer de cet égarement-là. Et il dit, c'est-à-dire n'importe quel être humain qui dirait que le Coran se contredit, alors c'est uniquement parce qu'il a une mauvaise intention et que son cœur est dévié. Donc n'importe quel être humain qui dit que le Coran, la sunna qui est authentique, la sunna qui est authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dedans des contradictions, eh bien c'est à cause de sa mauvaise intention et la déviation de son cœur. Parce que il a uniquement voulu, en disant ça, détourner les gens du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne a une mauvaise intention et a une déviation dans le cœur. Il dit, et la preuve de ça c'est quoi? Il dit, ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا وعليكم السلام ورحمة الله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلا فمن قلبه صاف فلا يمكن أن يدعي في أن في القرآن فلا يمكن أن يدعي أن في القرآن أو في سن أو في السنة تناقضا أو بينهما تناقضا. Donc le cheikh il dit, et la preuve de ça c'est dans les versets 10 à 14 dans sourate Al-Mutaffifin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur ce jour-là à ceux qui démentent la vérité, ceux qui traitent le jour de la résurrection ou le jour de la rétribution de mensonge, et il dit nul ne le dément ou le traite de mensonge, excepté tout transgresseur pécheur, lorsque nos versets lui sont récités, il dit ce ne sont que des contes d'anciens, les histoires des anciens. Asatirul awwali. Il dit kalla bal, non, il dit non, mais plutôt c'est ce qu'il a acquis comme péché qui a couvert son cœur et qui a fait en sorte que il ne puisse pas accepter et croire en la vérité par la suite. Donc c'est le résultat de ses péchés, son cœur est corrompu. Et donc il dit, parce que sinon toute personne dont le cœur est pur, le cœur est propre, eh bien, il ne peut pas prétendre que dans le Coran ou dans la Sunna il y a une contradiction, ou qu'il y aurait une contradiction entre les deux. Il dit, وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَنْ يَدَّعِي التَّنَاقُضَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْقُرْآنَ يَقُولُ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذه الآية أنكروا أنهم مشركون وأقسموا على ذلك، ولكن في آية أخرى يقول تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني يومئذ لا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ فآية يقول الله فيها إنهم ينكرون أن يشركوا وآية يقول الله فيها إنهم لا يكتمون الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نقول نعم هذا ظاهرها التعارض، ولكن الجمع أن نقول إن لهم حالين. الحال الأولى أنهم ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، والحال الثانية أنهم يقرون لأنها تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا ممكن لأن يوم القيامة مدته 50,000 سنة، تتغير فيها الأحوال. يعني ça c'est des, en fait c'est des histoires, يعني des objections des gens de bid'ah, des gens de l'égarement. Tu trouves ça, l'imam Ahmad, il a écrit un livre qui s'intitule Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Et dans ce livre-là, l'imam Ahmad, wa alaykoum salam wa rahmatullah, l'imam Ahmad, il réfute des propos des Jahmiyya dans lesquels il essaie de montrer des contradictions dans la révélation d'Allah. Donc l'imam Ahmad, il prend les versets qu'il ramène où ils disent, regardez, dans un verset Allah il dit telle chose, puis dans l'autre il dit telle chose. Et ils essaient de montrer ça comme si c'était des contradictions. Et l'imam Ahmad explique par la suite comment comprendre ces versets-là pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est uniquement leur compréhension qui est incorrecte de ces versets-là. Et parmi ces exemples-là, on voit les exemples que le Cheikh Ibn Uthaymeen il mentionne comme exemple aussi ici. Des fois, vous allez trouver ça aussi chez les chrétiens quand ils parlent du Coran, et parfois certains d'entre eux, parce qu'on leur montre les contradictions dans la Bible, eux, ils essaient par exemple de faire la même chose ou d'essayer de montrer que dans le Coran, il y a des contradictions. Alors, ils ramènent des versets comme ça. Hein? Puis ils disent, regardez, dans un verset, il y a ça, puis dans l'autre verset, il y a ça. Et ils disent, ça, c'est une contradiction. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. Hein? Mais c'est dans leur compréhension qu'il y a une contradiction. Donc, le Cheikh, il explique un exemple de ça. Il dit, parmi les exemples que ces gens-là ramènent comme prétention de contradiction par rapport au Coran, c'est lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 23 dans Surat Al-An'am, on va lire ensemble ce verset-là comme exemple. Le verset 23, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, alors il ne leur restera comme excuse que de dire, par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des mushrikines. Hein? Donc ça c'est dans le premier verset. Puis ils disent, puis dans l'autre verset, le verset 42, dans Surat An-Nisa, il y a une autre chose qui est mentionnée. Et c'est le verset suivant. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et désobéi aux messagers préféreraient que la terre fût nivelée sur eux, et ils ne seront cachés à Allah aucune parole. Donc, eux, ils disent, par exemple, dans le premier verset, ils vont nier qu'ils étaient des mushrikines, et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils ne vont pas cacher aucune parole à Allah. Donc, comment on peut, Cheikh dit, dans ce cas-là, comment on peut réunir entre ces deux versets-là? Hein? C'est-à-dire, dans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils vont nier avoir commis le shirk et avoir été des mushrikines. Et dans l'autre verset, ils disent qu'ils ne vont rien cacher à Allah comme parole. Et le cheikh, il répond. Il dit, peut-être que, en apparence, ça peut sembler contradictoire, mais en réalité, il y a une manière de réunir entre ces deux versets-là. C'est que, en fait, chacun de ces versets-là parle d'une situation différente et d'un état différent. Si la première situation, c'est la situation dans laquelle les mushrikoun nient avoir commis le shirk pour être épargnés du châtiment. Hein? Donc ils veulent pas être châtiés, alors ils disent on n'a pas fait le shirk. Hein? Et dans la deuxième situation, ils confirment, hein? Ils affirment, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'affirment? Parce que leur langue, leurs mains, leurs jambes, leurs pieds témoignent contre eux de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est mentionné dans le Coran, que lorsqu'ils nient quoi que ce soit de ce qu'ils avaient commis comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, va mettre quelque chose sur leur bouche pour pas qu'ils ne puissent parler, puis leurs pieds et leurs tukallimuna aydihim wa arjuluhum, leurs mains et leurs pieds vont parler. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que effectivement leurs différents membres, leur langue, leurs mains, leurs pieds, hein, vont témoigner de qu'est-ce qu'ils faisaient comme péché. Donc même s'ils essaient de le nier, eh bien, tu dis que tu n'as pas commis ce péché-là, eh bien, sa main, elle va témoigner. Sa main, elle va parler, elle va dire, Ya Allah, moi j'étais témoin et il l'a vraiment fait. Et sa jambe, elle va témoigner. Hein? Oui, Ya Allah, moi je témoigne que, hein, il a marché avec moi, il m'a fait marcher à telle place. Hein? Et sa langue même va témoigner, et ainsi de suite. Donc il ne pourra pas se cacher. Hein? Et donc, le cheikh dit, donc, on sait que le jugement dernier, hein, c'est possible que, étant donné que c'est une durée de temps très longue, 50 000 ans, c'est une journée qui dure 50 000 ans, donc que les états et les situations changent d'une étape à l'autre. Et donc, un de ces versets parle d'un état ou d'une situation, et un autre verset parle d'une autre situation. Il dit ومثال آخر يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقول الله تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمرة يقول للمتقين ومرة يقول للناس. هذا تناقض. يقول ليس فيه تناقض لأن قوله هدى للمتقين يعني هدى الدلالة والتوفيق والانتفاع، وقوله هدى للناس هداية الدلالة فقط. فالقرآن يهدي، وعليكم السلام ورحمة الله، فالقرآن يهدي كل أحد ويبين لكل أحد، ولكن الذي ينتفع به هم المتقون. وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه ويمكن الجمع بينهما، ولكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا للتشكيك. Donc le cheikh il explique, il dit dans un autre exemple, on voit que dans un verset, le verset 1 et 2 dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, voici le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux. Puis dans un autre verset, dans sourate Al-Baqarah, le verset 185, il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé comme une guidance pour les hommes. Donc il dit, ça c'est une contradiction, parce que dans un verset il dit que c'est une guidance pour les pieux, puis dans l'autre verset il dit une guidance pour les hommes. Et le cheikh il dit non, ça c'est pas une contradiction, parce que une guidance pour les pieux, ça veut dire une guidance dans le sens de, hein, l'orientation et la guidance réelle, le succès d'être guidé vraiment et de profiter de cette guidance et d'y croire et de la suivre. Tandis que dans l'autre exemple, c'est-à-dire une orientation et une guidance seulement dans le sens qu'on te montre et on t'indique hein, le droit chemin. Donc, dans le Coran, il guide tout le monde, les croyants et les mécréants, dans le sens qu'il montre à tout le monde le droit chemin et la vérité. Mais parmi ceux qui sont guidés parmi les hommes, c'est seulement ceux qui sont pieux et qui y croient qui profitent de cette guidance-là et qui sont effectivement en train de suivre cette guidance. Et il dit que ça, on peut le trouver dans plusieurs autres versets et c'est facile de réunir yani, entre ces deux choses-là. Comme dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. » Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Tu ne guides pas qui tu aimes. Hein, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. » Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. » Et certes, tu guides vers un droit chemin. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux versets-là? Non. Parce que dans le premier verset, il dit, tu peux pas guider, hein, qui tu veux, qui tu aimes, dans le sens que tu peux pas lui faire accepter la guidance. Mais, dans l'autre verset, certes, tu guides vers un droit chemin, c'est-à-dire, tu orientes tout le monde, et tu appelles tout le monde vers un droit chemin. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils vont croire ou non? Ça, c'est Allah qui décide, parce que c'est Allah qui guide les cœurs. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le pouvoir de guider les cœurs. Il a seulement le pouvoir de guider dans le sens d'orienter, de montrer aux gens le droit chemin et ouais, d'être un exemple et en même temps de leur montrer les preuves et de leur clarifier le droit chemin et de leur dire voici la bonne direction. Mais maintenant, est-ce que la personne va prendre cette direction-là ou non? Ça, c'est Allah qui décide. Après, le cheikh, il dit celui qui veut essayer de ramener ce genre d'exemple pour essayer de montrer qu'il y a des divergences ou des contradictions dans la révélation, c'est parce que cette personne, elle a une maladie dans son cœur et qu'elle essaie de faire douter les gens. Hein? Elle essaie de faire douter les gens à propos de la révélation d'Allah. Ensuite, le cheikh, il dit « Wa qad allafa al-sheikh Muhammad Amin al-Shanqiti rahimahullah صاحب أدواء البيان رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آيات عن آي الكتاب ذكر فيه ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها فليرجع إليه فإنه مفيد. Donc le cheikh il explique, cheikh Ibn Uthaymeen il dit que le cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, un des grands ulama, qui a été justement le professeur, un des professeurs de cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, un de ses shuyukh, quand il a étudié à Riyad, dans le ma'had qui avait été établi pour les ulama là-bas, parmi les shuyukh avec qui il a étudié, le cheikh Ibn Uthaymeen, il y a le cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, le cheikh qui est d'origine mauritanienne. Et ce cheikh, il était un grand savant et il a un tafsir qu'il a écrit qui s'intitule Adwa al-Bayan. Et parmi les livres qu'il a écrit également, le cheikh Ibn Uthaymeen, il dit qu'il a écrit également un autre livre qui s'intitule Daf'u Iham al-Ittirab an Ay al-Kitab. C'est-à-dire de repousser l'impression de contradiction ou l'impression d'opposition qui pourrait être prétendue au sujet des versets dans le livre. Donc, dans ce livre-là, il a mentionné certains versets dont le sens apparent pourrait sembler être une contradiction et il a réuni entre ces versets-là pour établir la preuve qu'il n'y a pas de contradiction entre aucun de ces versets-là. Et donc, il dit que ça, c'est un livre qui est bénéfique et que celui qui veut y retourner peut y retourner pour avoir une compréhension plus complète de ce sujet-là. Il est 6 heures. On va continuer encore un peu. Le cheikh, il dit ensuite « Waman tawahama » التناقض في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه. Le cheikh dit donc, quiconque a l'impression ou l'idée qu'il y a une contradiction dans le livre d'Allah ou la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou entre les deux, entre le Coran et la sunna, alors il dit ça c'est uniquement à cause de son peu de science ou de sa compréhension limitée. Hein? Et il explique ces deux exemples-là. Il dit يعني أن علمه قليل لم يراجع ولم يدرك العلم ومن كان علمه قليلا فنادي عليه بالجهل فنادي عليه بالجهل. Donc il dit le cheikh que si la personne, sa science elle est limitée, elle a peu de science, hein, elle n'a pas étudié, elle n'a pas compris la science comme il faut, alors yani, elle est dans l'ignorance cette personne. Ou قصور فهمه يعني أن علمه واسع ولكن قاصر الفهم والناس يختلفون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلافا عظيما فمن الناس من يفهم من آية واحدة عشر مسائل وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، فقال إلا فهما. فالناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. Donc le cheikh il donne un exemple, ensuite il dit bon, premièrement soit à cause de son manque de connaissance, ou bien il a de la connaissance mais sa compréhension elle est limitée de la religion. Et ça c'est le cheikh il dit, peut-être quelqu'un il a beaucoup de science mais sa compréhension de la religion elle est déficiente ou elle est limitée. Et il dit qu'en ce qui concerne la compréhension du livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, les gens peuvent avoir de grandes divergences entre eux. C'est-à-dire, quelqu'un peut comprendre beaucoup et une autre personne va comprendre vraiment peu ou moins que l'autre. D'une personne à l'autre, le niveau d'intelligence, le niveau de compréhension, il est très grand. La différence entre les deux peut être très grande. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que la compréhension de la religion, c'est, il y a une partie de ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Hein. Et c'est pour cette raison-là que, yani, tu peux voir que quelqu'un, par exemple, il peut avoir beaucoup de mémorisation. Et peut-être quelqu'un il mémorise le Coran au complet, mais tu lui demandes de t'expliquer un verset, il n'est pas capable. Il ne peut pas t'expliquer. Ou bien il va t'expliquer dans le verset une seule chose, tandis que tu demandes à un autre savant, il va commencer à t'élaborer, t'expliquer, détailler les clarifications, les explications et les exemples et les cas. Donc tu vois que la compréhension de l'un elle n'est pas comme la compréhension de l'autre, hein? Et donc le cheikh il donne des exemples de ça. Il dit que par exemple tu vois que une personne elle a une compréhension très subtile, hein, de la religion, et tu vas lui demander à propos d'un verset dans le Coran, il va te sortir 10 masal, hein, il va te sortir 10 points que qu'il tire de ce verset là comme compréhension ou comme masal, hein, relié à ce verset, tandis que tu demandes à un autre il te donne juste un. Et il dit c'est comme Abu Juhayfa il a demandé à Ali ibn Abi Talib, est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous avez donné quelque chose d'autre en dehors de qu'est-ce qui est dans le Coran ou dans la sunna, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre qu'il vous a laissé pour comprendre la religion? Il dit non, hein, par celui qui a fendu la semence ou la graine. Et en tout cas, il a mentionné un autre truc. Bara nasma. Ça, je me rappelle pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais il a dit, il nous a rien laissé excepté la compréhension que Allah donne de son livre. Excepté fahman, hein, une compréhension que Allah il donne de son livre. Donc le cheikh il dit, il a mentionné la compréhension. Et la compréhension, elle diverge d'une personne à l'autre. Et ça peut être très grand parfois, les divergences d'une personne à l'autre dans la compréhension de la religion. Et il donne un autre exemple. Il dit, فَمَثَلًا أُنظُرْ إِلَى هَذَا الْفَهْمِ الدَّقِيقِ أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ الْجَنِينَ فِيهِ هُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. Ça, c'est un exemple que le cheikh il mentionne. C'est intéressant. Il dit, لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُنَّةِ ولكن أخذ من آيتين في كتاب الله قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أي سنتان ونصف وقال تعالى وفصاله في عامين فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهرا ستبقى ستة أشهر تكون هي أقل الحمل وأمثال هذا كثير. Donc il dit par exemple, on voit la compréhension vraiment détaillée et subtile de certaines personnes lorsque on a posé la question à propos de quelle est la période la plus courte que quelqu'un qu'un bébé peut naître, dans laquelle il peut naître, hein, et puis qu'il va être c'est-à-dire, on va considérer que, comme si le bébé, à quel âge il peut, combien de mois par exemple, il peut vivre. C'est ça, il peut être naître vivant. Bon, le cheikh, il dit que ils ont mentionné 6 mois. Ils ont mentionné 6 mois. Et pourtant, il n'y a pas de mention de ça ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est pas écrit 6 mois. Mais certains ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou certains parmi les sahaba, ils ont calculé la différence entre les deux versets. Le verset 15 dans Surat Al-Ahqaf qui mentionne 30 mois et le verset 15 dans Surat Luqman qui mentionne 2 ans. Et 30 mois, ça fait 2 ans et demi. Et 2 ans, c'est 24 mois. Donc la différence entre 30 et 24, c'est 6. Hein? 30 moins 24, ça fait 6. Donc ils ont dit, le plus court période petite période de temps que quand le bébé il naît, qu'il peut être vivant, c'est la période de 6 mois. Donc ça, c'est une compréhension très détaillée, très subtile de ce genre de situation-là. C'est pas qu'il peut naître, qu'il peut... Allazi yumkinu an ya'ish al-janin, c'est-à-dire l'âge le plus jeune que le fœtus, quand le bébé sort du ventre de sa mère, à partir de combien de mois il peut vivre? Quand il sort du ventre de sa mère, avant qu'il atteigne maturité, comme après, avant 9 mois. Parce qu'habituellement, le bébé, s'il naît prématurément, bon, c'est pas sûr qu'il va vivre. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des moyens de faire en sorte que le bébé prématuré, il peut se développer même à l'extérieur du ventre de la mère après, avec toutes sortes de machines, puis de moyens modernes qu'ils ont inventés. Mais disons qu'à l'époque, hein, les sahaba, ils ont compris cette période de 6 mois par rapport au verset que Allah a révélé en calculant la différence de mois entre ces deux versets-là. Donc c'est une ijtihad qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat-là. Mais ça vient du résultat d'un effort de compréhension. Et ça montre à quel point la compréhension de certains peut être vraiment plus subtile que d'autres. Il dit وَلِهَذَا يُذْكَرُ أَنَّ بَعْضَ الْحُفَّاظِ كَانَ يَحْفَظُ كِتَابَ الْفُرُوعِ وَهُوَ كِتَابُ فِقْهِ أَلَّفَهُ مُحَمَّدِ بْنُ مُفْلِحِ أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان من أعلم الناس بأراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى يائه حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة لكن لا يفهم شيئا إطلاقا فكان طلاب العلم يأتون إليه لأن الكتب في ذلك الوقت قليلة ويقولون ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلا فيسرد عليهم الفصل والباب وكل شيء حتى كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع يعني لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يفهم معناها وفي الحقيقة كان لا ينبغي أن يوصف بهذا بل ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع وعلى كل حال أقول إن الناس بعضهم يكون قاصر الفهم يحفظ ولا يفهم Donc le cheikh il donne un exemple encore. Il dit que on mentionne que il y avait certaines personnes qui ont mémorisé parmi les gens dans le passé. Je sais pas à quelle époque exactement. Le cheikh il a pas mentionné, mais il dit qu'il y avait un talib ilm ou bien quelqu'un parmi les gens qui aimaient la science. Il a mémorisé un livre de fiqh qui s'appelle Al-Furu'. Et ce livre-là, il est écrit par Muhammad ibn Muflih, un des élèves de Ibn Taymiyyah. Et on dit de Ibn Muflih, que c'était un parmi les élèves de Ibn Taymiyyah qui était le plus savant par rapport aux positions de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le fiqh. Donc si Ibn al-Qayyim, par exemple, qui était lui aussi un élève de Ibn Taymiyyah, s'il voulait connaître ou apprendre les détails à propos d'une question de fiqh, des positions parmi les positions de l'imam Ibn Taymiyyah au sujet du fiqh, il allait voir Ibn Muflih pour lui demander. Parce que Ibn Muflih, il connaissait très bien les positions d'Ibn Taymiyyah dans le fiqh. Alors, Ibn Muflih, qui a écrit le livre Al-Furu', il a mentionné beaucoup des positions d'Ibn Taymiyyah dans ce livre-là qui s'appelle Al-Furu' et un des étudiants avait mémorisé le livre Al-Furu' au complet. Al-Furu' je pense que c'est comme environ 9 volumes. C'est un gros livre. C'est pas petit là. Et il dit qu'il l'avait mémorisé du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de A à Z. Il dit de min alif ila ya. De Alif Aya, c'est-à-dire de la première, du début jusqu'à la fin, et il l'a pas juste appris comme ça des parties, non, il l'a appris au complet comme on a mémorisé la Fatiha. C'est-à-dire, il le connaît, tu lui demandes n'importe quel chapitre, il te le sort, il te le récite de sa mémoire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par contre, il ne comprenait rien du tout. C'est-à-dire que si tu lui demandes n'importe quoi à propos du livre, il peut pas te l'expliquer, mais il va te le réciter sans problème. Alors les élèves parfois, étant donné qu'à cette époque-là il n'y avait pas vraiment un accès au livre facilement, on pouvait pas acquérir ou posséder un livre facilement. Alors au lieu d'aller voir dans le livre, ils allaient voir celui-là pour lui demander qu'est-ce que Ibn Muflih a dit par exemple à propos de tel ou de tel sujet dans son livre. Alors, lui, il leur citait. Il disait, dans tel chapitre, il a dit, et là, il commençait à réciter. Il commençait à dire, il a dit, il commençait à mentionner les choses. Et il dit, à un point tel que, il l'avait surnommé l'âne de Al-Furu'. L'âne de Al-Furu'. Pourquoi il l'appelait l'âne de Al-Furu'? Parce qu'il est comme un âne qui transporte des livres. Mais il comprend rien, Allah al-musta'an. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, mais en réalité, il devait pas l'appeler comme ça. C'est pas correct. Au lieu de l'appeler l'âne de Al-Furu', il devrait l'appeler le mémorisateur de Al-Furu'. Il dit, de toute façon, il dit, c'est juste pour montrer que parfois certaines personnes, leur compréhension est plus limitée et qu'ils mémorisent beaucoup, mais ils ont peu de compréhension. D'accord? Donc, ça c'est le point. Il dit, ensuite, أو تقصيره في التدبر أو تقصيره في التدبر c'est-à-dire ou bien il a une limitation dans la réflexion, hein, le fait de méditer et de réfléchir sur la signification des choses. Il dit قوله أو تقصيره في التدبر قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب لكنه لا يتدبر ولا يتأمل وإذا جلس ينظر في القرآن أو السنة ليتدبر ضاق صدره ثم أغلق الكتاب وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم فتجده ليس عنده جلد للمراجعة والتدبر يريد علما يكون مبردا دون أن يتولى طبخه ونضجه يعني سبحان الله. Le cheikh, il dit, ou bien il a une limitation dans la réflexion et dans la méditation de la science. Et il dit, comme par exemple, il y a des gens, ils ont de la science, ils ont une grande science et ils ont une bonne compréhension. Sauf que, il peut pas réfléchir et méditer. Si il s'assoit pour regarder dans le Coran ou dans la Sunna, et pour essayer de les étudier, de réfléchir, d'analyser qu'est-ce qui est dedans, sa poitrine devient étroite et puis il referme le livre, hein, et tu vois que ça c'est le cas de beaucoup d'étudiants en sciences aujourd'hui. Tu vois que il n'a pas la détermination, hein, et la motivation de reviser et de réfléchir et de méditer sur la science qu'il a apprise. Il veut quelque chose qui est déjà prêt, hein, déjà cuisiné. Hein. Il peut pas lui-même le préparer puis l'apprêter puis le préparer lui-même. Il veut tout soit prêt. Donc il y a une chose, c'est comme par exemple tu vois que quelqu'un par exemple il va aller lui-même prendre des versets sur un sujet dans le Coran, les hadiths, il va ouvrir les livres chercher dans les hadiths. Puis après, il va préparer son sujet, puis il va faire ses recherches et ses analyses lui-même pour arriver à expliquer un sujet. Tandis que d'autres, ils veulent tout déjà prendre qu'est-ce qui est déjà prêt, tu vois. Donc, ils sont pas capables de faire la recherche et la réflexion par eux-mêmes. Donc, il dit le cheikh, فَلْيَبْحَثْ عَنِ الْعِلْمِ وَلْيَجْتَهِدْ فِي التَّدَبُّرِ حتى يتبين له الحق. Donc il dit qu'il fasse des efforts dans la réflexion pour qu'il puisse, hein, qu'il recherche la science et qu'il fasse des efforts dans la réflexion et dans la méditation des sens de la révélation pour qu'il puisse par la suite avoir que la science lui soit devenue claire et que les choses se clarifient pour lui. الشيخ الزي أي قوله فليبحث عن العلم ويجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق إذا فعل ذلك واجتهد وتدبر ولم يتبين له الأمر فماذا يصنع؟ الزي qu'est-ce qui arrive s'il a cherché la science, qu'il a médité et qu'il a réfléchi, puis que par la suite il n'a pas compris la vérité malgré tout, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Eh ben le شيخ il explique, il dit فإن لم يتبين له فليكل الأمر فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا اختلاف. Vous savez, on est presque à la fin de ce chapitre. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là. Parce que après ça, il n'y a rien. C'est la dernière partie du livre, de ce chapitre-là. À propos des noms et des attributs d'Allah. C'est la dernière phrase à expliquer. Le cheikh. il a mentionné ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si la vérité ne lui apparaît toujours pas, alors qu'il s'en remette à celui qui le connaît, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il mette un terme à la confusion qui règne dans son esprit, et qu'il dise ce qu'affirment les gens enracinés fermement dans la science, qui disent « Nous y croyons, le tout provient de notre Seigneur. » Et qu'il sache que dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas de contradiction entre les deux, ni de divergence. Donc, ça c'est la fin de la section, ou de la du premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah. Maintenant, il reste juste à l'expliquer, ce passage-là. Et le cheikh, il l'a expliqué en 5 pages. Donc, on va garder ça pour le prochain cours, inshallah. On va terminer donc ce premier pilier la semaine prochaine avec la lecture de l'explication de ce passage-là qu'on vient de lire. Ok? Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.